D'une manière, tu sais que là tout ce qu'on dit pendant les chansons, ce, je peux le récupérer. Je sais. Moi je peux me permettre parce que c'est moi qui fais le montage. L'autre jour, je me souviens, Jason, je l'ai monté dans les chiottes. Chut, faut pas dire ça. Hein, ça. Yeah. And then what did I know? I got a little more for a little you. Vous imaginez un podcast où Noé chante tout le temps par toutes les chansons et ça fait... On s'écoute tout de suite live. C'est excellent. On n'entend jamais les morceaux du coup. Attention Jason, c'est bientôt à toi. T'as pas le droit à l'erreur. Et voilà, vous venez d'écouter mon morceau préféré de l'album. Parce qu'il est classe, il faut le dire. Ah c'est vrai qu'il est cool. Classe. Dessine pas de beat sur mes notes quand même. Non, c'est un T, c'est pour que tu penses à couper à... Ouais, c'est un thé avec, avec des yeux et des poils. Regarde, c'est une métabite. Ça, je peux le garder. Ah, cette atmosphère brute, hein, ce dialogue incessant entre les deux guitares. Moi, ça me plaît. Alors, j'ai écrit ces lignes au bistrot de Rennes 2 en buvant un café, parce qu'il faut savoir qu'au bistrot de Rennes 2... Well, I got friends of mine. What's fair? I don't know. Je sais pas. C'est un gloomy boulgas. He gives me what I need. What you need? You so badly. Oh, anything I want. He gives it to me. Anything I want. He gives it, but not for free. He's hateful. And it's painful, and I'm so grateful to be nowhere. Yes, yeah, I love some friends. What friends? I don't even know this. Je pense que mes deux petits camarades autour de la table vont très vite reconnaître le morceau. Alors attention, il y aura un terreau après. Donc on s'écoute Catch You par Kid Paris. On s'écoute ça tout de suite. Photo qu'avant. 29 302, Dinan. C'est trop ça. Ouais. Opticienne diplômée. Quand t'es au cinéma. 3 rue de la Parcheminerie. Dans un cadre chaleureux. Le restaurant Grain de Café vous invite. Myriam Jean-Baptiste vous accueille pour déguster ses brochettes de poulet marinées au gingembre. Comme disait Gainsbourg, quand on en a pas ce que... Quand on n'a pas ce que l'on a, il faut t'aimer ce que l'on veut. Quand on n'a pas ce que l'on veut, il faut t'aimer ce que l'on a. Hidden seeds of the pastime activity. The toxicity. D'ailleurs, j'allais te contredire. La Madeleine de Prout. De Prout, ouais. Non, j'ai dit la Madeleine de Prout, c'est. La Madeleine de Proust, c'est pas à l'audio, c'est uniquement sur le goût, hein, donc ça marche. Mais ça marche. Mais non, c'est rentré dans l'expression courante, oui, c'est... maintenant. À l'origine, dans La Recherche du Temps Perdu, du côté de chez Swan, c'est uniquement au goût. Quand c'est tu dis c'est un mentor, quand tu dis c'est mon mentor, ça veut pas dire qu'il est vieux avec une barbe et qu'il pue. Ça peut être ton mentor, il peut avoir un an de plus que toi. C'était dur de choisir 5 morceaux quand même. Ouais, c'était chaud. Hein. 5 morceaux avec des trucs à dire aussi, parce que moi après j'avais sélectionné des morceaux, j'avais rien à dire dessus quoi. T'as pas mis Goldfinger? Non, je l'ai enlevé au final. Parce qu'en fait je pensais que j'aurais une putain d'anecdote à dire, mais en fait non. Parce que c'est une chanson sur l'addiction, du coup je suis ah. Je suis sûr que le chanteur devait être alcoolique ou un truc comme ça. Puis en fait il était complètement clean. I've seen your face, it's like looking down the barrel of a gun, and then it goes off. And from all these words, je suis à stéréo. Par contre, on a un tic. on a un tic, c'est que dès qu'il y a une chanson qui finit, on reprend par et voilà, c'était. Bah, c'est le plus simple. faut qu'on. J'ai remarqué aussi avant les chansons, on dit toujours et on s'écoute ça tout de suite. Alors, on aurait dû appeler l'émission et voilà, c'était. Mais finalement, faut qu'on s'écoute ça tout de suite.